Chapitre 9e, où Justine sauve son maître. À peine la silhouette du véhicule s'était-elle perdue dans l'obscurité, que la pluie recommença à tomber, droite et drue. « Viens, Justine, » dit Fouinard en assurant sa canne dans sa main. « Tu as de la veine que je ne t'ai pas perdue en dégringolant de là-haut. Mais vois-tu, on ne se quittera jamais. On est des vieux amis, à la vie et à la mort. Et tu sais, ma petite vieille, on va voir à travailler. » Fermant soigneusement son veston qui dégouttait d'eau et retirant son collet, Fouinard revint vers le boulevard Victor. Il s'éloigna d'un bec de gaz pour se tenir dans l'ombre, puis, presque en rampant, il atteignit le remblai des fortifications et remonta vers le faîte. « Le gredin s'est enfui, se disait Fouinard, mais il ne doit pas être loin d'ici. La haine n'est satisfaite que quand elle a la certitude de son assouvissement, et celui-là n'est pas encore sûr que le petit soit mort, il viendra boire. » Il avisa un buisson d'herbe et vint s'y coucher, la figure soutenue sur ses deux mains. « Je joue un port rouge, pensait-il, dans un tour du monde quelconque. Je suis vent du soir qui guette son ennemi. Je n'entends pas l'herbe pousser, mais l'eau tomber. Quel temps de canard! Vrai, il y a des jours où on est content de ne pas être en sucre, ce que je fondrais. » La situation n'était pas absolument favorable au monologue, mais Fouinard n'avait rien de mieux à faire. Le temps passait. Pendant une heure, Fouinard resta ainsi, immobile, l'oreille au guet et l'œil ouvert. Le ciel avait eu pitié de lui et, subitement, fermé ses écluses avec aussi peu de raison qu'il les avait ouvertes. Entre les nuages noirs qui se séparaient, le croissant de la lune apparut. Fouinard ne bougeait toujours pas. Pourtant, il commençait à douter de la justesse de son raisonnement. Est-ce que, d'aventure, l'assassin épouvanté de son dernier forfait s'était enfui pour tout de bon? À vrai dire, les honnêtes gens ont grand-peine à deviner ce qui se passe dans la tête des bandits. Après tout, se disait Fouinard, le plus gros de la besogne est fait. L'enfant est sauvé. Ce misérable pourrait s'aller faire pendre ailleurs. Eh ben non! Une pareille bête féroce ne peut circuler en liberté. C'est du crime qui marche, et j'y perdrai mon nom. Il s'arrêta brusquement. Il venait d'apercevoir, montant sur le talus, une forme noire, celle d'un homme, cette fois. Il marchait avec précaution, s'arrêtant à chaque fois pour regarder autour de lui. C'était bien l'attitude du criminel qui craint d'être surpris. Un instant, la lueur pâle de la lune éclaira à plein son visage. Oui, c'était bien les cheveux noirs tombant sur le front, le visage osseux et glabre que Susan avait vu. Pour jouer un rôle de femme, le misérable avait sacrifié sa barbe. Encore Fouinard se tint quoi, voulant voir ce que l'homme allait faire. Il arriva jusqu'à la craie du remblai, à l'endroit même d'où tout à l'heure il avait lancé l'enfant dans le vide. Il se pencha, puis se mit à plat ventre, la tête en dehors de l'éminence. Il plongeait ses regards au fond du fossé, espérant peut-être voir le corps brisé ou entendre un gémissement d'agonie. Rien. Il eut un geste de colère. Toto vit qu'il hésitait. Allait-il descendre lui-même pour s'assurer que sa victime était bien morte? C'eût été fort dangereux, surtout maintenant que la pluie avait détrempé la terre. Il y avait toute chance pour tomber et se briser au fond. Mais la haine résonne-t-elle? Pourtant, il eut peur de cette chute vraisemblable. Toto, qui n'était pas à 2 mètres de lui, vit qu'il était court, trapu, avec des épaules énormes et un cou de taureau, un Hercule certainement. Il fit volte-face et commença à descendre la pente du talus pour regagner le boulevard. Toto se dressa à son tour et, allant droit à lui, lui frappa l'épaule. « Ambrosio Bonelli, reprit Toto très calme, tu es l'assassin des Provelli. Tu as tué le père, la mère et l'enfant. » Un juron encore plus féroce jaillit des lèvres de l'assassin. Un énorme couteau parut à sa main, il se rua sur Fouinard. « Héla, héla !» fit Toto, dont la canne siffla dans l'air et, balafrant son visage, le força à reculer. Mais alors, Ambrosio se tassa sur lui-même, les jambes pliées, le cou rentrant dans les épaules, et se mit à tourner autour de Fouinard, grondant entre ses dents des malédictions furieuses, le couteau en arrêt. Fouinard, bien maître de lui, le suivait dans son évolution, la canne prête. Le corse bondit encore une fois, Justine le cingla. Il hurla de douleur, mais au paroxysme de la rage, il se lança quand même d'un tel élan que Fouinard dut reculer à son tour pour donner du champ à sa canne. et dans ce mouvement, son pied glissa dans une flaque de boue et il tomba. L'autre rugit et sauta sur lui, le couteau dardant. Mais Fouinard, de sa main libre, lui attrapa le poignet à la volée. C'était comme un bracelet de fer qu'il rivait au bras de son adversaire, et du même geste, il l'attira en avant. Le Corse glissa à son tour et tomba, mais sa main s'était abattue sur la gorge de Fouinard, qui, d'un mouvement instinctif, avait dressé sa canne en appuyant la paume contre le sol. Et Justine, intelligente de la pointe, frappa l'assassin justement dans l'œil. Ambrosio eut une clameur de douleur, tandis que Fouinard, profitant de l'incident, dû à la présence d'esprit de Justine, bondissait sur ses pieds, tenant toujours le poignet qu'il tordit. Le couteau tomba, Toto mit le pied dessus. Mais l'autre, affolé, le visage ensanglanté, se jeta encore sur Fouinard et parvint à lui jeter un bras autour de la ceinture. « Ah ça, mon petit, fit Toto, c'est du jiu-jitsu, tu es fichu !» Un coup de pied sur le tibia, un coup de poing sur les dents, l'homme lâcha, tourna sur lui-même, tomba. Et Fouinard, s'abattant sur lui, lui ramena les deux bras derrière le dos et avec les cordes à fouet qui ne le quittaient jamais, lui ficela les deux poignets par un de ces nœuds de spécialiste qu'un spécialiste seul peut défaire. L'homme répéta son éternel « Sangue de Dio !»« Oui, je sais, c'est ta marque de fabrique. Elle n'a plus cours. » Ambrosio, quoique les poignets liés, se défendait encore à coups de pied, par ruade furieuse. « Allons, les grands moyens !» dit Fouinard. Et ramassant Justine, qui ayant fait son devoir, en était revenu à son rôle de témoin, il cingla ses jambes récalcitrantes avec une telle violence qu'elles s'immobilisèrent. Un instant après, les chevilles étaient nouées comme les poignets. Le Corse, étourdi, dompté, ne bougeait plus. Fouinard ramassa le couteau, le ferma, le glissa dans sa poche, puis il descendit les quelques mètres du talus qui les séparait du boulevard Victor et se mit à crier de toutes les forces de ses poumons « Police ! Police !» 10 fois, il lui fallut répéter son appel, qui cependant devait vibrer à 200 mètres. Enfin, d'un pas lent et mesuré, deux sergents de ville arrivèrent. « Qu'est-ce qui vous prend à brailler comme ça ?» lui dit aimablement un des sergents. « Messieurs, dit Toto, je m'appelle Toto Fouinard et je viens d'arrêter l'assassin du boulevard Bourdon. » Ambrosio Bonelli passa en cour d'assises et fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. L'enfant Probelli a survécu et était confié à une œuvre de bienfaisance. « Ouf !» disait Fouinard à ses amis, au nom desquels il convient de compter Isaac, le chien, et papa, le perroquet. « Monsieur le préfet et monsieur le ministre de l'Intérieur ont été très contents de nous. Ça nous flatte. Mais ça ne doit pas nous empêcher de vaquer à nos petites affaires. Nous allons nous occuper du forçat martyr. » Ainsi s'achève La Maison tragique, une aventure de Toto Fouinard par Jules Lhermina.